Il a terminé sa saison il y a quelques temps, environ une dizaine de jours, au championnat québécois de vélo de montagne au Mont-Sainte-Anne. On parle évidemment de Victor Véraud, qui a connu une très très belle année. Question que ça va faire un peu le bilan avec lui, on lui parle. Salut Victor! Victor, satisfait de ta saison dans l'ensemble, vraiment, deuxième place, ça a bien été. Oui, je suis très content. Ça a bien terminé ma saison, deuxième place demain. OK. J'attendais un podium, puis quand même content d'avoir eu le titre. OK. Est-ce que vraiment, là, puis tu me disais l'autre jour que celui qui a terminé au premier rang est beaucoup plus âgé que toi, hein? Oui, lui, dans le fond, lui, c'est ça, lui, c'est le deuxième année. OK. OK. Et deux ans, ça paraît pas mal, j'imagine? Oui, surtout là, à notre niveau, là, c'est plus vieux, ça paraît moins, là, mais à notre niveau, là, ça paraît. OK. Là, évidemment, ce qu'il faut garder aussi, c'est les championnats qui ont eu lieu en Yougoslavie. Ça a été vraiment le fait saillant de ton été. C'est pas en Yougoslavie, mais en République tchèque. Ça a été vraiment ton fascinant de l'année. Là. Tu t'attendais pas vraiment à aller là. Bon, pas vraiment. Depuis l'année, j'en avais d'autres objectifs. Puis en fin de compte, on a vu que ça avait comme ouvert. Là, on a misé là-dessus. Puis en fin de compte, on a réussi à l'avoir. Puis ça a vraiment été. Ça fait des fins d'ailleurs. La plus grosse expérience. OK. Qu'est-ce que ça t'a apporté de l'expérience, j'imagine? Parce que tu n'avais jamais fait une compétition aussi grosse que ça. Là. Ouais, donc, et ça, c'est la meilleure chose que ça m'a apporté, c'est l'expérience, parce que aussi, le parcours était différent, hein, ça n'était pas comme le politique, après ça, on avait une grosse gang de jeunes, puis, partir en fac, là, un gros lot, puis c'était différent, ouais. OK. Quand tu dis parcours différent, c'était quoi? Des parcours plus sinueux, plus difficiles, ou c'était différent tout court? Ben, là-bas, eux autres, c'est plus, tu sais, ici, au Québec, ça, c'est des obstacles par la nature. On va faire une traîne, on va garder des roches et tout. Mais eux autres, mettons, ils vont chercher des roches ailleurs, ils vont toutes les mettre en même place. Après ça, ils vont faire des affaires en bois, des structures. C'est plus des affaires de spectaculaires, en fait, on pourrait dire. OK. Donc, ça promet beaucoup quand même. Puis ça t'a apporté beaucoup d'expérience. Donc, ça augure bien pour les prochaines années. C'est quoi ton objectif maintenant cette année-là? Pour cet hiver, j'imagine qu'il va y avoir du repos, là, tu vas à l'école. Mais c'est qui va se passer cet automne et cet hiver pour en préparation pour l'année prochaine? Présentement, là, j'ai comme un bon petit break, là, quand même, quasiment un mois, deux mois, là, jusqu'environ là, dans le temps des fêtes. Là. On va commencer à s'en aller du fond un peu pour aller peut-être faire des camps sud. Puis après ça, on va sûrement avoir un voyage en Europe au début de la saison. OK. Puis c'est sûr que je vis encore les mêmes courses, simplement les mêmes courses qu'à l'an passé, là, les championnats québécois, les championnats canadiens, puis les championnats du monde aussi. OK. J'aimerais participer. Là. Donc, ça va te donner pas mal de power, comme qu'on dirait. Là, puis ça devrait t'aider, ça. Oui. Mais. Bon, bac. Tu vas aller en Europe, c'est tu me disais aussi que tu fais strictement du vélo de route, tu fais pas de vélo de montagne quand tu vas à ces voyages-là, à ces préparations-là. Ouais, non, c'est ça, là, les voyages dans le sud, là, ça va être juste des camps de route là, pour faire un fond, comme on dit. Là. OK. Et après ça, le voyage en Europe, que par là, lui, c'est des courses de vélo de montagne aussi, un petit peu pour se réchauffer pour le début de l'année, parce qu'ici, il n'y en a pas encore, tandis qu'il y en a bientôt. Moi, c'est des courses à vélo de montagne. OK. Victor, Léon, j'ai parlé avec Léon Bouchard récemment, puis il me disait qu'un jour, peut-être qu'il te voyait aux Olympiques. Toi, tu aimerais ça, j'imagine, d'ici 4 à 8 ans, à peu près. Est-ce qu'on vise plus 2024 dans ton cas, hein? C'est plus ça? Oui, probablement plus. OK. Parce que 2020, ça serait vraiment exceptionnel. Tu aurais 20 ans, c'est un peu jeune, hein? Oui, surtout qu'il va rester encore, là. Et plus vieux que moi, ils vont encore être là. Même Léon, en 2024, il peut être encore là. Ben oui. C'est ça. OK. Ben Victor, félicitations pour ta saison. Ça fut fort agréable. Puis au plaisir de se parler. Puis c'était pas mal de fun que tu commences.